Réparation du préjudice écologique. Selon la récente loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, toute atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement est réparable. La réparation doit s'effectuer par priorité en nature, c'est-à-dire en remettant le site pollué en l'état. Notez que ce nouveau régime est rétroactif. Il s'applique à la réparation des préjudices dont le fait générateur est antérieur au 1er octobre 2016. Mais il ne s'applique pas aux préjudices ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette date.